Mais c'est fini la musique, Alphonse? Faut que tu coupes. J'entends la même chose que je dis dans mes oreilles, là. Qui? Dans mes oreilles. Oh là là. On est à l'antenne et tu dis rien, Alphonse. Tu fais bien des cachotteries tout de même. J'enlève le disque. Oui, d'accord. Je mets ta jungle. Oui. Voilà. Faut cliquer. Salut les vieux, c'est votre ami, Pierre Lefebvre. Avant, pour monter les escaliers, j'avais besoin d'un petit fauteuil, vous savez, le truc qui monte contre la rampe. Depuis que j'écoute Radio Decati, je monte en courant et avec mes pieds. C'était qui? C'était toi. C'était Jean Lefebvre, voyons. Quel bel homme, tu sais. C'était drôle. Oui, c'était très drôle. Oui. Voilà. Alors, on va parler aujourd'hui des stars. Bah oui. De tous les gens qu'on voit dans le poste et dans les journaux. Parce que nous, on lit beaucoup. Oui. Surtout toi, tu fais beaucoup les mots croisés. C'est vrai, je suis d'une intellectuelle. Mais il n'y en a pas beaucoup dans Gala. Non. Alors, Johnny et Laetitia sont en ce moment dans le Luberon. Quel bel homme! Et ils passent des vacances très tendres. À Saint-Tropez. Elle est un petit peu jeune tout de même. Hein. C'est vrai qu'elle est un petit peu jeune. Moi, je dis tous ces gars-là qui s'intéressent aux petites jeunes. C'est pas normal, elle leur tourne la tête comme ça. Pas de ça chez moi. Ils se marient avec à chaque fois. Bah oui. Tout de même. Bah oui. Ça pourrait être sa fille. Bah même sa petite fille, je crois bien. Quel âge il a, cet homme-là? Oh. Le petit Johnny. Doit bien avoir dans les 60 ans. Bah oui, puis elle a quel âge? Bah dans les 20 ans. Est-ce qu'elle a eu son certificat d'études au moins? À mon avis, elle s'accroche plutôt à des gens riches. Bah oui, ça c'est sûr. Qui? On parlait de Laetitia, Alphonse. Bah, Laetitia, tu te souviens? La petite qui habitait à côté de chez Micheline. Mais non, pas la petite que t'as tripotée, la petite Laetitia. C'était Hortense. Je l'ai pas tripotée. Je veux pas aller à l'hospice. Mais t'iras pas, Alphonse. T'inquiète pas, t'as un petit-fils, toi, qui s'occupe de toi. T'as l'air bien gentil, d'ailleurs. Qui? Mais ton petit Marco. Marco? Oui. Marco comment? Marco, ton petit Marco, voyons. Ton petit fils. Oh, il m'énerve quand il fait ça. Oui, mais fait sa tête. Très bien. Oh. Alors. Je veux pas aller à l'hospice. Alors. Voilà. Il est 4 heures. C'est l'heure de la soupe. Michel Drucker et Dany Saval, qui sont des gens bien gentils. Ah, ça, c'est un bel homme. Michel Drucker. Qui nous a régalé, qui nous régale depuis plus de 20 ans. Depuis très longtemps. Des émissions toujours de qualité et jamais vulgaires. Ça, c'est vrai. Jamais un mot de ton. C'est pas comme ce qu'on voit maintenant à la télé. Heureusement qu'il s'est accroché, hein, et puis qu'il est le dimanche. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait plus Jacques Martin, parce qu'il nous manque bien, lui. Oh, bah oui. Bah oui. Il était bien. Ah oui. Puis il y en avait pour tout le monde. Ah, je me souviens de son émission. Comment c'était déjà? Tu sais, là. T'es dansant? Non, oui, il y avait ça, j'aimais bien parce qu'on dansait. Mais il y avait un autre truc aussi. Incroyable. Incroyable, mais possible. Oui, c'était ça. Oh, c'était bien. C'était bien. On riait des fois. On voyait des trucs pas possibles. Oui. Qui? Jacques Martin, Alphonse, tu te souviens? Oui. Bon. Voilà. Alors, Dany Saval et Michel Drucker. Oh, ça c'est des gens bien. Dany Saval. Oui. Ils sont dans le Luberon. Ça c'est une belle région, le Luberon. Le Luberon. Oui. Beaucoup de stars, hein. Oh oui, beaucoup de vedettes. Des stars, oui. Je vois bien. Je vois bien ce que vous parlez. Qui c'est ce petit garçon là qu'on voit, ce petit jeune homme là sur le livre? Mais c'est Zidane, tu reconnais bien quand même. Qui ça? Mais Champion du monde. Champion du monde de quoi? Champion du monde de... Qui? Le petit jeune homme qui est là, là, sur Zinedine, Gala. Zinedine Zidane, le numéro 10 de l'équipe de football. De football? Capitaine, à la bouillardière. Pas Zidane là! Le Zidane qui est champion du monde! Pas le petit Zidane que t'as tripoté, Alphonse! Je l'ai pas tripoté! Il me fatigue! Je peux aller à l'espace! Oh, tais-toi! Ne tiras pas! Bon, qu'est-ce qu'il a le petit Zidane là? Bah, je sais pas, il est dans le Luberon! C'est l'heure de la soupe! Bah, qu'est-ce qu'il fait dans le Luberon? Mais il est avec la petite fille de Grace Kelly. Mais non, tu comprends rien, il est pas... Ça, c'est Stéphanie de Monaco. Bah oui, la petite fille de Grace Kelly. Ah. Voilà. On va peut-être s'écouter un jungle. Oui. Radio Decati. 39.45. Voilà. C'est court. Mais c'était pas mal du tout. C'était bien. C'était toi, Alphonse. Comme toujours. Je mets un disque. C'est une bonne idée, Alphonse. Faudrait peut-être que t'appelles ton petit-fils tout de même. Oh là là là là là là là. Il va tout abîmer. T'es pas gentil, Alphonse. Tu vas tout abîmer le studio de la petite Amandine. Oui. Oh, mais lâche ça, Alphonse. Écoute. Oh non. Oui. Appelle ton petit-fils. Oh! Ah, excusez-moi! Tu nous fatigues, Alphonse! T'as tout déréglé, mon sonotone! Oh! Alphonse! J'ai approché mon oreille trop près des micros! Tu nous énerves! Lâche ça tout de suite! Appelle Marco! Allez! Qui? Oh! Mais ton petit-fils! Mon petit gars! Il... Tu m'énerves, il Alphonse! Il est où, mon petit gars? Ton petit gars, il est derrière toi, là-bas! La douche avec le triangle, sur le côté! Appelle-le! Qui? Oh. Ah, qui vous êtes, vous? Ton petit fils. Lâchez-moi. Qui tu veux, bah. Alphonse, calme-toi. Mais le disque. Il va me tripoter. Mis dedans. Attendez, oui. Là. Bon, bah, tout à l'heure, hop, on appuie sur la touche. Je n'ai pas l'hospice. La touche. Ah, ça fait mal. C'est la RTF. T'as dit cette référence? La RTF. Que sera lo que quiere el negro? Mais qui paye pas le français? ¿Qué será lo que quiere el negro? ¡Ça fait mal! Rumba, mambo, cha-cha-cha. ¡Arrêtez maintenant! Vamos a jugar junto al señor Coconut.